J'avais la chance d'avoir un spécialiste. Il faut toujours avoir un spécialiste dans sa besace. Donc, je vais demander à Antoine Lopez, merci beaucoup, de venir du festival donc, de Clermont-Ferrand, même si jeune retraité du festival de Clermont-Ferrand, et qui est voilà, spécialiste, fait spécialiste, je ne sais pas si c'est un beau mot, mais en tout cas, qui a beaucoup réfléchi. C'est où ça? C'est ici. Bon. Non. Oui. Ouais. Du documentaire animé, donc. Oui, juste, je veux Oui. dire que spécialiste, c'est peut-être un grand mot, en fait. Ce qui se passe avec la résurgence, j'attaque, hein, donc, Vas-y. avec la résurgence du documentaire animé, en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont penchés sur le problème. Il y a déjà 7 ans, 8 ans, ici à Annecy, lors d'un pot, je discute avec Philippe Poins, qui s'occupe du festival d'Anima à Bruxelles, le festival de cinéma d'animation. Et tous les deux, en même temps, on parle de l'arrivée de nombreux documents, ce qu'on appelait des documentaires animés. Et à partir de là, l'idée, c'était de faire une programmation commune à Bruxelles et à Clermont. Donc on a fait ça en 2006. Il s'est avéré que la programmation n'était pas identique. Chacun, on avait un peu nos points de vue. Il est allé plus vers le faux documentaire, alors que je suis resté strictement avec deux programmes de ce que j'appelle vraiment des documentaires animés. Et donc jusqu'alors, je ne suis pas un spécialiste, puisque je fais de la programmation. Et quelques mois plus tard, en France, il y a une manifestation qui s'appelle le mois du documentaire. Ça a lieu partout. Et à Clermont, comme ailleurs, il y a quelque chose qui est fait au sein de la JET, qui est le lieu, on va dire, officiel, la base de travail de l'équipe du Festival du court-métrage. Et la personne qui organise la projection dans le cadre du documentaire, elle me dit, est-ce que tu veux pas faire quelque chose, puisque tu as programmé du documentaire animé Du coup, je me penche sur le sujet et j'écris quelque chose et je fais ce travail on va dire, le premier travail de réflexion. Et c'est à partir de là qu'en fait, plusieurs personnes en France vont me demander de faire une conférence. Donc, je vais élaborer un peu plus ce travail. Et du coup, je me suis trouvé catapulté spécialiste de documentaire animé. Mais voilà, il faut prendre la mesure des choses, hein. Je ne suis pas un universitaire, ça fait pas 50 ans que je travaille sur le sujet, hein. Ça fait quelques années que je réfléchis un peu, comme Alexis, de la même façon, et quelques autres. En fait, on n'est pas très nombreux à penser, à s'être penché un peu sur ce corpus de films. Voilà. C'était juste un préambule. Alors, ce qui m'avait impressionné, c'est qu'en fait, tu fais donc une conférence, comme tu dis, où notamment, alors je vais pas te faire refaire ta conférence, mais notamment, tu montres ça. Alors, j'ai pas pris les mêmes hein, que les tiens. Oui. Enfin, donc. Comme moi, je suis pas un hyper intello, moi j'aime bien les trucs pratiques. Il y avait un côté ludique dans la conférence, et donc je présente, donc pour détendre l'atmosphère, hein, je présente une image et je demande aux gens ce que c'est, quoi. Donc voilà, donc on peut faire la même chose. Qu'est-ce que vous voyez? Des chevaux. Des chevaux, c'est déjà pas mal. Mais bah, après, on peut aller plus loin, on peut dire que c'est des chevaux et que c'est en couleur, par exemple. Et on peut dire aussi. Pardon, qui court. Et puis on peut dire quelque chose qui est très important dans la démonstration, c'est que c'est une photo, en fait. Hein, Et là. voilà. En fait, je le dis pas dans cet ordre-là, mais Ouais, hein, c'est un peu. t'as pas d'image Non, si, bien sûr, pardon, excuse-moi, qui j'étais correspond un parce petit que peu sinon, vite. J'étais un elle petit est peu là. vite, pardon. Voilà. On n'a pas préparé, hein. Donc en fait, c'est dans le désordre. Dans ma conférence, je présente ce type d'image, pardon. Et puis c'est pareil, je demande ce que c'est. Et la plupart des gens souvent disent, ouais, c'est Lascaux, c'est Altamira. Enfin bon, et je les engueule parce que c'est pas marqué que c'est Lascaux ou Altamira. C'est impossible quand on voit cette image de dire que c'est Lascaux ou Altamira. Les gens, ils ont parfois raison. Ça peut être Lascaux ou Altamira. Là, ça doit être Lascaux. C'est parce qu'ils ont un savoir. Enfin, ils l'ont appris. C'est culturel. Mais moi, ce que je demande, c'est quoi? Donc finalement, au bout d'un moment, on dit, ah, ben, ça représente un cheval qui court et qui est aussi en couleur. Et en fait, après, je leur montre la photo, et on fera pas plus de démonstrations, mais c'était juste pour montrer déjà que pour représenter le réel, on a deux façons de faire, au moins. Il y a le dessin et la photographie. Les deux images nous enseignent de la même façon. Ils nous renseignent de la même façon sur un sujet donné qui est un cheval. Voilà, donc c'est le type d'approche que je fais, très ludique et accessible, comme disaient les tintinophiles de 7 à 77 ans, par l'ensemble des gens. Ce qui m'intéressait quand j'ai vu la première fois ta conférence, c'est ça, c'est l'idée dès le début de commencer en effet à réfléchir même sur, quelque part, cette représentation donc, du réel. Et normalement, je montre ça. Si vous connaissez, en fait, donc, les mots peuvent faire dire tout ce qu'on veut aux images. Et dans sa lettre de Sibérie, Bismarck en donne la démonstration définitive, rendue encore plus efficace grâce à l'emploi de musiques appropriées. En enregistrant aussi objectivement que possible ces images de la capitale Yakout, je me demandais franchement à qui elles feraient plaisir, puisqu'il est bien entendu qu'on ne saurait traiter de l'URSS qu'en termes d'enfer ou de paradis. Par exemple, Yakout, capitale de la République socialiste soviétique des Yakout, est une ville moderne, où les confortables autobus mis à la disposition de la population croisent sans cesse les puissantes hymnes triomphes de l'automobile soviétique. Dans la joyeuse émulation du travail socialiste, les heureux ouvriers soviétiques, parmi lesquels nous voyons passer un pittoresque représentant des contrées boréales, s'appliquent à faire de Yakoutie un pays où il fait bon vivre. Ou bien, Yakoutsk, à la sinistre réputation, est une ville sombre, où tandis que la population s'entasse péniblement dans des autobus rouges sans, les puissants du régime affichent insolemment le luxe de leurs hymnes, d'ailleurs coûteuses et inconfortables. Dans la posture des esclaves, les malheureux ouvriers soviétiques, parmi lesquels nous voyons passer un inquiétant asiat, s'appliquent à un travail bien symbolique, le nivellement par le bas. Ou simplement, à Yakoutsk, où les maisons modernes gagnent petit à petit sur les vieux quartiers sombres, un autobus moins bondé que ceux de Paris aux heures d'affluence croise une ZIM, excellente voiture que sa rareté fait réserver au service public. Avec courage et ténacité, et dans des conditions très dures, les ouvriers soviétiques, parmi lesquels nous voyons passer un Yakout affligé de strabisme, s'appliquent à embellir leur ville qui en a besoin. Donc voilà, c'est Lettres de Sibérie. Oui. C'est ce marqueur et qui était pour moi pour montrer un peu la subjectivité qui va être l'une des problématiques de l'animation en documentaire, en fait. C'est plus que ça, c'est comment démontrer que une image ne parle pas d'elle-même. Et quand je dis une image, une photographie. C'est très important de bien préciser la chose. Hein. C'est-à-dire que, effectivement, ce passage-là dont je parle aussi dans la conférence, et dont je ne montre pas les images, mais... avec les mêmes images, Chris Marker met trois commentaires très différents et ça donne un sens différent à chaque fois. Et lui-même dit que finalement, donc il y a un commentaire pro, un commentaire anti-communiste et puis un commentaire, on va dire, objectif. Mais même Chris Marker dit même le caractère objectif n'est pas la vérité. C'est-à-dire que c'est une vérité à un moment donné. Et que, en fait, la vie, le monde tourne et que, voilà, cette vérité-là, elle est juste à ce moment-là qu'elle est... Donc lui-même, il disait qu'il n'y a pas véritablement, il n'y a pas de vérité. Et or, la photographie, quand elle est arrivée, elle a tellement ce réalisme frappant qu'il y a une sorte de sacralisation de ce mode de représentation du réel qui s'est ancré dans nos têtes. C'est-à-dire que on n'a jamais remis en cause, si c'est une photo, c'est que c'est vrai. On retourne en arrière, parce qu'aujourd'hui, justement, on y reviendra, c'est un peu différent. Mais il ne faut pas oublier donc, que la représentation du monde depuis 40 000 ans, elle a commencé avec le dessin, à Lascaux ou à la Grotte Chauvet. Et peut-être même en Espagne, on a trouvé un truc qui est encore peut-être plus ancien. Enfin, déjà, on va dire 40 000 ans, c'est pas mal. La photographie, elle n'a pas 200 ans. Hein, on va fêter le bicentenaire de la création de la photographie en 2025 ou 2026. C'est-à-dire qu'on n'y est pas encore. Donc vous voyez, il y a eu un bouleversement très très fort de l'invention de la photographie qui fait que c'était tellement vrai que... Et en plus, donc le cinéma s'en empare, puisque l'invention du cinématographe, c'est plusieurs inventions, la stroboscopie, etc. Et grâce à la plasmance rétinienne et la photographie. Et là, on a un sentiment de réalité qui est vraiment époustouflant. Hein, je veux dire. Donc, du coup, les documentaristes, et c'est marrant parce que c'est ici, à Annecy, au marché du film, que je rencontre un jour, alors c'était encore plus vieux, Jean-Marie Barre, pour ceux qui le connaissent, c'est un militant du documentaire, Et on commence à parler documentaire, et lui, il saute au plafond, enfin, de la tente, enfin, du barnum, et il dit, je te raconte, documentaire, mais ça ne peut pas exister. Documentaire, c'est le réel, l'animation, évidemment, c'est des petits Mickey, c'est... voilà, j'exagère, mais je ne l'ai pas dit comme ça, mais je caricature, mais voilà, c'est pas sérieux, c'est le monde de l'imaginaire et tout. Et comme je ne suis pas dogmatique, je commençais à douter, en fait, là-dessus. Et donc, cette réflexion, c'est que... amener à la conclusion qu'effectivement, alors déjà, enfin, dans ma conférence, il y a plusieurs parties, et effectivement, c'est démontré, et je ne suis pas seul à le dire, des documentaristes le disent, des producteurs de documentaires le disent aussi, un documentaire, c'est une mise en scène du réel. C'est-à-dire que si je devais faire un documentaire sur ce qui se passe maintenant, j'ai mille façons de le faire. C'est-à-dire que l'appréhension du réel telle qu'on l'a, nous, ici, être vivant avec notre vision à 300 et quelques degrés, selon l'âge qu'on a, donc c'est particulier. La caméra, elle, a déjà des angles de vision qui sont bien plus restreints, et quand on filme, on choisit un point de vue. C'est-à-dire que, comme là, par exemple, c'est filmé de là, mais ça pourrait être filmé de là-bas, d'en haut du plafond ou du sol, et on n'aurait pas la même perception du réel. Et donc, on a bien une mise en scène du réel à partir du moment où on choisit un point de vue. Ouais. Et c'est ça qui est important de démontrer, c'est que déjà un documentaire, on va l'appeler entre nous classique, on pourrait dire en prise de vue continue, mais on va dire le documentaire classique, il faut admettre, alors que longtemps on ne l'a pas admis, c'est beaucoup de critiques, même de gens qui ont pensé sur le cinéma, on dit que c'était vraiment une captation du réel et que c'est la réalité. Or, on le sait bien depuis longtemps, enfin, d'autres critiques et d'autres essayistes ont démontré, et moi je suis persuadé aussi, que un documentaire, ce n'est qu'une représentation parmi mille autres. Donc, alors pourquoi, excuse-moi Antoine, mais pourquoi, parce que, par exemple, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, François Ninet, qui est l'un des spécialistes du documentaire, et quand on regarde, donc je vous conseille, le documentaire et ses faux-semblants, quand on ne connaît pas bien, c'est assez intéressant, il parle presque pas, voire pas du tout d'animation, on va parler à un moment donné. Est-ce que toi, quand tu as fait tes recherches, le documentaire animé, que tu connaissais déjà bien le documentaire en prise de vue réelle, est-ce qu'à Clermont, vous en aviez beaucoup? Et est-ce que tu t'es rendu compte qu'en fait, dans le domaine de la recherche du documentaire prise de vue réelle, on va dire, ou même du documentaire en genre global, on parlait un peu d'animation ou pas du tout? Non, pas du tout, absolument pas. Il n'y a pas du tout de... Enfin, moi, je n'en ai pas trouvé, en tous les cas. Cela dit, je n'ai pas tout lu, je n'ai pas tout... mais en tous les cas, dans ce que j'ai pu voir ou lire, il n'y a pas de... Parmi les gens qui ont travaillé sur le documentaire, oui, je pense que j'ai même monté au cerveau que ça pouvait être image par image. Hein, c'est ça le grand changement. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est le... Si on fait aussi un point d'histoire, qu'est-ce qui s'est passé Je vous ai parlé des discussions avec Philippe Moins tout à l'heure. Elle ne faisait que faire le constat d'une apparition assez importante de documentaires animés depuis maintenant, on va dire, partant d'aujourd'hui, donc 10-12 ans. Et avant ça, est-ce qu'il y avait des documentaires avant? Voilà, c'est un peu la question qu'il faut se poser. En fait, il y a eu quelque chose qui a marqué le monde de l'animation, et pas au-delà. C'est Hartman qui fait... donc il y avait... Peter Lord et un autre, je ne sais pas le nom, David Sproston, ouais, qui avait fait Animated Conversations, qui étaient deux courts-métrages qui étaient des documentaires animés. Et puis, donc ça se dû passer à Annecy, enfin tous les cas dans le monde d'animation, on note ça change vraiment de tout ce qu'on voyait. Hein. On est vraiment dans une relation réelle qui n'est pas fictionnée, qui est vraiment... Il y a un titre qui parle, qui raconte en fait ses années de prison, ses années de galère, et c'est une marionnette qui parle. Copier n'est pas génial malheureusement, mais voilà, c'est Going in Crypt qui m'occupe. Il y a quelques characters dans la famille qui étaient spoilés, qui étaient sort of... loved, I suppose, and I was just stood around watching it all happen. And I was the only one really, this is as I got onto about 6 and 7, who was doing crime, who was going out stealing and giving my parents money. It's called creeping, because the general idea is you have to creep out into the back room of the shop where the cloakroom is, where like there might be a little safe. Donc là, ce qui est impressionnant, on ne peut pas tout regarder, ce qui est impressionnant, c'est d'avoir en fait, ils partent, ils expliquaient d'une... Oui, mais ça coupe aussi. Non, je vais couper comme ça. Ça, ils partent en fait d'un enregistrement qui n'est même pas fait par eux, qui est fait par un journaliste. Donc ils connaissent, ils reçoivent uniquement l'enregistrement et ils font un film dessus. Ça, c'est la base aussi de documentaire, enfin pour toi c'est une base donc documentaire audio, c'est intéressant parce que ça a été repris récemment par notamment l'MK, oui, c'est, avec Réadoc. Mais pas que par l'MK, c'est effectivement c'est une des grandes méthodes du documentaire animé, c'est de partir d'un matériau sonore en fait, soit fait par quelqu'un d'autre, soit fait par le réalisateur lui-même, mais c'est effectivement un des grands trucs du docu animé, c'est de partir d'un matériau sonore véridique, donc on va interviewer voilà, un mec qui sort de tôle, etc. Donc, et on va mettre des images dessus. On va illustrer que, de la même façon que si on avait fait un documentaire en prise de vue en continu, on aurait sans doute filmé le mec, pour de vrai. Mais en faisant ça, je trouve qu'on apporte autre chose. On apporte aussi, c'est qu'on joue à fond la carte finalement de la mise en scène du réel. Il n'y a rien de fictionné, voilà, il apporte une autre vision du monde et elle est tout aussi finalement valide que la photo. Pourquoi, à ton avis, elle est pour toi en tout cas évidemment elle est, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la représentation du monde, elle n'est pas monolithique, elle est pas, il n'y a pas que la photo. La preuve, c'est qu'on représente le monde par le dessin et la peinture depuis 40 000 ans. On l'a laissé tomber, ces modes de représentation, parce que finalement, il y a une facilité pour reproduire le réel. On prend une photo, clic-clac. La photo instantanée a été inventée. Hein, quand c'était le daguerreotype, évidemment, il fallait attendre un quart d'heure, une demi-heure avant que la photo soit prise. C'est un peu plus long, mais aujourd'hui, on fait clic-clac, la photo est prise. Et je vous représente tous en quelques dixièmes de seconde, quelques centièmes de seconde. Le dessin, ça prend plus de temps. Donc c'est sûr que la photo a pris, et puis avec ce sentiment de réalité très fort, hein, évidemment, ce sentiment de réel très très fort, donc du coup, la photo a pris une place énorme, et donc a écarté tout le reste. Aujourd'hui, on revient à des choses parce que l'auteur n'a plus envie de se cacher derrière une caméra, on va dire, et on va pousser plus loin le constat de cette mise en scène du réel. Et c'est pour ça que moi, je suis tout à fait partisan de ces... différents modes de représentation. Juste pour revenir sur le point d'histoire, donc une fois qu'ils ont fait ces deux films, ils se sont remarqués, on dit, alors on crie pas au génie, on dit ça, mais disons que ça marque vraiment les cinéphiles de l'animation, et y compris aussi une chaîne télé, parce que Channel 4, ensuite, ou la BBC, je sais plus, va commander 3 ou 4 ou 5 autres courts-métrages à Aardman sur le même mode, en fait. Alors, on aurait pu penser à ce moment-là que ça allait lancer, en tous les cas, des gens qui vont dire « Ah, c'est super ce qu'ils ont fait, je vais faire pareil. » En fait, après, il y a un nouveau blanc. Donc là, on est début des années 80. Et on ne va plus rien avoir jusqu'aux années 2000. Peut-être quelques trucs, mais très, très rare. Pas suffisamment pour se dire qu'il se passe quelque chose. Et ce n'est qu'à partir des années 2000 que, bingo, on voit. Et ce qui est étonnant, c'est que souvent, on a ça de la part de jeunes cinéastes, de cinéastes débutants, de cinéastes étudiants. Et là, on revient à cette idée de la représentation et de la photo que je disais tout à l'heure. Autant la photo a pris une place énorme quand elle a été inventée, autant aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? La nouvelle génération, les jeunes, comme on dit... les vieux aussi s'en rendent compte parce que j'en parle, mais il y a une désacralisation de la photo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous montre une photo, et ben vous pouvez la contester. Vous n'êtes pas sûr que c'est la vérité. On savait que les Soviétiques faisaient ça quand il y avait un mec qui est tombé en disgrâce, on arrivait à l'effacer de la photo ou en rajouter un parce qu'il fallait qu'il soit à côté de Staline ou pas. Enfin bon, c'était ça, on connaît ça dans l'histoire de l'Union soviétique et ailleurs, ça s'est fait aussi, hein, pas que chez les Soviétiques. Mais aujourd'hui, si vous voulez rajouter des moustaches à votre grand-mère, si elle n'en a pas déjà, c'est facile avec le logiciel qu'on a à notre disposition. Aujourd'hui, on peut faire des trucs très réaliste. On ne voit pas la différence. Il y avait une chaîne, je crois que c'est H&M, qui avait fait des pubs. Alors déjà, les canons de la beauté, c'est déjà des nanas hyper, quasi anorexiques. Donc, ils avaient pris déjà un peu masse, mais en plus, ça ne leur allait pas. Ils les ont encore bidouillés sur Photoshop pour leur donner exactement la forme qu'ils voulaient. Donc, vous voyez qu'on va très, très loin. Et donc, du coup, ça, aujourd'hui, on le sait. Tout le monde le sait. Même un gamin de 8 ans, aujourd'hui, le sait, commence à le savoir. Et donc, la photo n'a plus cette sacro-sainte vérité qu'on lui accordait, et on la conteste. Et donc, on lui conteste la primauté de la représentation du réel. Est-ce aussi parce que, donc, comme tu dis, l'image et l'image de synthèse apparaît aussi, c'est-à-dire non seulement elle transforme, mais elle apparaît de plus en plus dans nos vies de tous les jours, à travers, évidemment, Internet, enfin, à travers, mais même des choses toutes bêtes, je ne sais pas, comme des bandes annonces un peu partout. Enfin, quand on va prendre de l'argent dans un distributeur, il y a quelque chose qui s'anime de suite, on a l'impression que l'animation de synthèse est absolument partout aujourd'hui. Oui, c'est peut-être un autre problème. Moi, je suis sur le sentiment de réalité, c'est-à-dire reconnaître le monde qui nous entoure à travers un système de représentation, c'est-à-dire une image. C'est-à-dire, par exemple, une image fixe ou animée, elle peut être faite en 3D. Si c'est, voilà, si on choisit le photoréalisme, mais que c'est de la synthèse, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la photo, c'est un des moyens, mais on sait que c'est... En fait, tu bidouilles aussi bien sur ton ordi une photo qu'un dessin, finalement. Et les jeunes générations qui arrivent, du coup, dessin et photo, c'est sur le même plan. Et c'est pour ça qu'on trouve, et c'est majoritairement dans le documentaire animé, le dessin qui prime. Il y a quelques films en marionnettes. Moi, je n'ai pas vu Jasmine, mais c'est aussi la pâte modelée. La pâte modelée, oui. Donc, mais c'est relativement rare. Enfin, il y en a, mais c'est en fait, c'est surtout le dessin qui prime. Hein. Donc, et c'est... je trouve que c'est un retour de choses, c'est les mentalités culturelles qui changent. Voilà, donc là, c'est surtout ça. Hein. C'est-à-dire qu'un documentaire, si on devait donner une définition une fois pour toutes, si on me pose la question, c'est quoi un documentaire animé? Moi, j'ai tendance à dire, un documentaire animé, c'est, comme tout documentaire, une mise en scène du réel. La grande différence, c'est qu'au lieu d'utiliser la photo, on va utiliser un autre mode de représentation du monde, et notamment le dessin. Mais si le documentaire animé revient aussi, enfin arrive au temps, parce que on en a pas parlé, on pourrait faire, mais c'est vrai que remonter à Winsor McCay, Singing of the Zitania en 17, par exemple, pour parler de documentaire animé, un vrai documentaire animé. Est-ce qu'il s'y revient aussi de plus en plus à la mode, on en parle de plus en plus, c'est parce que justement notre réalité a changé. C'est-à-dire que notre réalité, je reviens sur ma question absolument, sur le fait que cette réalité étant tellement virtuelle, de plus en plus virtuel, qu'on soit pour ou contre, mais de plus en plus virtuel aujourd'hui, finalement, le documentaire animé est plus accepté. C'est-à-dire le fait d'avoir un dessin qui représente le monde est plus facilement accepté. Non, mais on peut revenir sur l'histoire tout à l'heure, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des outils de représentation du réel qui sont puissants, qu'on n'avait pas, et notamment les logiciels 3D ou autres. Hein, c'est-à-dire, c'est ça. Donc, du coup, aujourd'hui, on a des outils, on a plus d'outils qu'avant. Et d'outils qui nous amènent vers le réalisme que seule jusqu'à maintenant la photo vraiment nous donnait. Et que finalement le dessin nous donnait aussi, mais on savait que c'était un dessin. Quoi. C'était, voilà, ça ressemblait, je pouvais vous dessiner, ou les portraits. La peinture de portraits, ça existe depuis des siècles. Et on reconnaît Henri IV, Louis XIV. Je veux dire, voilà, c'est aussi, voilà, ça nous renseigne sur le monde, sur le réel, mais on sait que c'est la peinture. Voilà. La photo, c'est, on a l'impression que c'est, voilà, c'est une espèce de truc magique, c'est indubitable, c'est indiscutable. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que non, c'est pas indubitable. Quand on voit Forrest Gump et qu'on voit Tom Hanks au milieu des Beatles ou à côté de Kennedy, on sait que c'est pas possible. Et pourtant, ça marche du feu de Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui connaît pas l'histoire, qui connaît pas les Beatles ou qui découvre Kennedy, pour lui, Tom Hanks était vraiment à côté de lui à cette époque-là. Mais nous, avec notre savoir, ce qu'on appelle le savoir encyclopédique, c'est-à-dire tout le savoir qu'on accumule depuis qu'on sommes nés jusqu'à aujourd'hui, on sait que ben non, Tom Hanks, il vit maintenant, et Kennedy, il a pris quelques bastos dans la tête en 62 ou 63. Donc ça ne peut pas aller ensemble. Et pourtant, l'image nous dit que oui. Donc c'est ça qui est remis en cause, c'est toute cette vérité-là. Et donc, à partir du moment où la photo aujourd'hui n'est plus le garant de la vérité, Pourquoi je me gênerais et que j'utiliserais pas d'autres moyens de représentation? Il y a quelque chose qui est important, c'est le mélange entre les deux, entre la prise de vue réelle et l'animation. Là, on voit un film qui s'appelle Paul, de Cécile Rousset. Il est intelligent, forcément. On voit la fin. Père, hein. Tu vois ce que je veux dire, hein? Et puis, il travaille bien à l'école. Ses carnets, ça, tu verrais, c'est toujours très bien, très bien, très bien, très bien. Alors, presque comme moi, quoi. Doucement, là, il a aigri, là. Je m'aperçois quand j'ai dit ça, il revient des tas de choses que non pas j'avais oubliées, mais j'y pensais plus et tout d'un coup ça me revient. Dans la vie, faut pas s'en faire heureux. Moi, je ne m'en fais pas. Ces petites misères seront passagères, tout ça s'arrangera. Ta ta la li la, pam pam. Donc là, c'est la fin de Paul de Cécile Rousset qui va continuer à travailler là-dessus. Est-ce que là, on est sur un documentaire particulier? On a de nouveau quelqu'un qui a enregistré, c'est un acteur qui raconte sa vie et son histoire. Là, on est dans une partie de. Est-ce que on est dans une partie réellement documentaire? Grâce à la voix, en fait, et d'un seul coup, il y a l'irruption de la prise de vue réelle. Est-ce que pour toi, ça change le caractère de l'animation ou au contraire, ça le renforce? On n'a pas vu de. On a vu, oui. Vu en continu. Ah oui, il y a juste là, on le voit pas énormément, mais voilà là, en fait, quand ouais. Paul, parce qu'elle l'a filmé, hop, voilà là, ouais. Ce passage là, et donc voilà. Je sais qu'il y en a dedans, mais j'ai un petit peu de prise de vue. Je suis tellement sectaire que je vois que l'animation, c'est ça. Oui, ça, mais c'est ça qui est intéressant. Mais ça prouve bien ce que. Enfin, ça démontre, en tous les cas, certains de mes propos, c'est que aujourd'hui, finalement, on s'en fout. Je veux dire, on n'a pas besoin de se mettre soit que de l'anime, soit que de la prise de contenu. Et pourquoi pas le mélange? Il y a un grand mot à la mode quand on lit quelques textes, c'est l'hybridation. On est en plein dedans. Hein. Voilà, on aime bien mélanger les choses. Et peut-être que Cécile Rousset avait besoin de ce retour à la prise de vue continue pour asseoir son travail. Mais il y en a d'autres qui ne le font absolument pas. Hein. Est-ce que c'est un faux débat finalement? En fait, enfin, un débat là sur le documentaire animé. Est-ce que finalement l'idée de documentaire, de fiction, et quelque chose qui commence à... Je répète souvent cette phrase, Fritz Lang a une phrase en disant « De toute façon, du moment où vous faites un film de fiction, il y a quelque chose qu'on va dire, mais un film de fiction qui représente votre époque, vous faites forcément un documentaire. » Parce qu'en effet, l'idée d'avoir... aujourd'hui, si on a, je ne sais pas, un portable de ce style-là, même s'il n'est pas très... on se doute bien que ces portables-là ont été faits vraiment sociologiquement. Ouais. Voilà, on est d'une époque à une autre. Donc, donc tout est quelque part... Même une fiction est documentée aussi. Oui, mais là, c'est très... après, c'est... je ne dirais pas que c'est la branlette intellectuelle, mais on n'est pas loin quand même. T'exagères. C'est, oui, non, mais c'est juste. Hein, je veux dire, on pourrait discuter là-dessus sur... effectivement, bien sûr, la fiction, elle est dans le réel. Hein, c'est évident. Hein, de toute façon, nous sommes des êtres humains qui vont dans un environnement... Et nous sommes doués de la pensée. Donc même à partir de, même en pensant des choses complètement de science-fiction, par exemple, ça sort quand même d'un cerveau humain. Donc on peut toujours dire que on est dans la réalité puisque c'est un homme qui l'a pensé ou une femme. Voilà. Donc mais bon. C'est... Non parce que t'as raison, ouais, mais c'est pas. Débat, c'est... Moi je voudrais juste dire que quand j'ai travaillé là-dessus, c'est que je me suis souvenu des films d'Arman, mais puis après je me suis demandé, mais est-ce qu'avant Arman il y avait quelque chose? Est-ce que avant le documentaire animé, avant Animated Conversations, il y avait autre chose. Et on s'aperçoit que oui. Et puis j'ai essayé aussi de faire une typologie. Donc c'est dans cette typologie qui est la première, qui est en fait le documentaire, on va dire, pédagogique, de formation, qui a utilisé l'animation énormément. Et on s'aperçoit que les périodes de guerre, hein, la Seconde Guerre mondiale notamment, a été la source de centaines de documentaires animés. Disney a pu vivre dans ces périodes troublées grâce à la Seconde Guerre mondiale. Il y a un autre studio en Angleterre, mais à chaque fois je trouve son nom, donc ça c'est Alzheimer qui vient tout doucement. J'ai oublié son nom, mais ça a été le plus grand studio, le plus vieux d'Europe. Hein, Alas, voilà, c'est les studios Alas et Bachelor, ont vécu également du documentaire animé pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'on sait que le premier long métrage d'animation anglais, est-ce que vous savez ce que c'est? Vous êtes nuls, hein, vous savez rien. Hein. Pourquoi je suis venu? Les insultes pas, s'il te plaît. Non, non, c'est plaisant. Enfin, j'insulte personne. Et je ne le savais pas avant de travailler sur le sujet, hein, bien évidemment. Moi, je ne sais pas non plus, en plus. Donc. On cite souvent La ferme des animaux. En fait, il y a eu un film avant qui n'est pas sorti en salle, qui n'a pas été rendu public, mais c'est un long métrage, c'est un documentaire animé qui servait à apprendre aux militaires à piloter les bateaux, en fait. Donc c'est vraiment le premier long métrage d'animation, c'est un documentaire britannique, c'est un documentaire animé. Voilà, il y a des petits trucs comme ça qui sont qui dénotent quelques trucs. Et puis après, je suis allé... C'est Grierson, par contre, c'est quelque chose que... Non, ça n'a rien à voir. C'est le créateur de l'ONF, non, pas du tout. Non. Et Grierson, c'était... Là, c'est pareil, on pourrait parler de ça, hein, le mot documentaire et tout, c'est... Avec Grierson, c'est... Grierson, c'est lié à Flaherty, Flaherty, c'est lié à Nanook, et Nanook est montré comme le documentaire emblématique de l'histoire du cinéma. Des recherches récentes qui sont parues dans la revue 1895 démontrent que Nanook est bidouillé du début à la fin. C'est-à-dire qu'il y a un bébé, c'est jamais le même. Il y a des chasses qui sont montrées, elles sont mises en scène. Et absolument avec des harpons et des flèches, alors qu'ils utilisaient le fusil depuis un moment déjà. Voilà, en 1920 et quelqu'un. Voilà, je ne sens pas c'est des meilleurs, il y en a d'autres comme ça. Donc c'est, et pourtant, c'est montré comme l'emblème du documentaire. Et puis même, on pourrait aller plus loin, parce qu'on pourrait dire, par exemple, les films Lumière. L'arrivée d'un train en gare de la Ciotat, tout le monde connaît, vous connaissez ça, quand même. Eh bien, vous aurez tendance à dire, comme moi avant, maintenant, je suis illuminé, donc j'ai changé d'avis, mais on pourrait penser que c'est un documentaire, après tout. Mais on admettrait à ce moment-là, en disant ça, que le monde qui nous entoure est en noir et blanc, et que le monde qui nous entoure ne fait pas de bruit. Puisque quand on voit l'arrivée d'un train en gare de Ciotat... Tu montres ça normalement quand tu es... Oui, voilà. J'ai repris, voilà. Voilà. Je montre les forgerons. Alors, il y a... Tu le montres sans le son, justement. Voilà, on le montre comme il était montré, hein, sans le son. Alors là, on peut dire que c'est un documentaire sur des forgerons. Ben c'est très critiquable, hein. Donc je reviens sur noir et blanc, sur le son, quand on tape sur une enclume, hein, je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, parce que c'est un métier qui a disparu, mais ça fait du bruit quand un marteau touche une enclume, encore plus quand on touche les doigts d'ailleurs. Mais... Et puis il y avait d'autres trucs critiquables, je ne sais pas si ça vous saute aux yeux là, mais... Ouais, la cravate et la chemise blanche, c'est sûr, hein, tous les forgerons travaillent comme ça. Hein. Un habit du dimanche. Donc on a vraiment une mise en scène du réel. Hein. Mais même Thierry Frémaux qui défend le trésor Lumière à l'Institut Lumière à Lyon, en plus comme ça l'énerve un peu qu'on dise que c'est Méliès qui a inventé le spectacle cinématographique, il fait tout pour dire aussi que Lumière, c'est aussi l'inventeur du spectacle cinématographique, et dit bien que en fait tous les films Lumière sont des mises en scène du réel. C'est mis en scène, le choix du point de vue, parfois même s'habiller autrement. Enfin bon, c'est... Et même à la fin, on le voit à peine, mais il y a un type qui vient avec une bouteille pour servir un verre. Donc, quand je l'avais présenté au Forum des Images, j'avais même pensé que c'était une nana qui avait servi à boire. Ceux-là, ils avaient bu avant de venir à la conférence. Mais c'était ce meilleur mec. Ils m'ont mis le doute. Mais... Non, c'est que c'était très rapide. Et en effet, on pouvait imaginer. Ce qui est intéressant dans ta conférence aussi, c'est ça, c'est le fait que finalement, est-ce que on a un changement de point de vue sur la réalité, puisque si on regarde donc un film que tout le monde, la plupart d'entre vous connaissez, hop, j'arrive. Je vais y arriver, on va tout effacer, il ne veut pas, dans ce cas-là. Je te surprends. Mais j'aimerais bien, voilà, merci. Évidemment, j'arrive pas à voir, donc voilà. Ça, c'est intéressant, vous connaissez tous, je pense quasiment tous, les voisins de McLaren. Donc là, en pixelation, film très connu. Donc voilà, on a deux personnages et il y a même des scènes assez, assez fortes, hein, comme ça. Et j'entends bien la musique. Attention, je passe un tout petit peu, encore une fois, vous. Tous. Voilà. Et juste, bah juste le moment où on trouve la maison, dans le carton. Je dois partir bientôt. On va avancer. Voilà, là il y a ça, donc ils détruisent chacun la maison de l'autre. Voilà. Et il y a juste un indice. Il donne un coup de pied dans le bébé et tout. Enfin bon, ça, c'est assez violent. Il y a, d'ailleurs, cette version, dans certains pays, avait été coupée. En fait, l'histoire du bébé qui donne un coup de pied, ça avait été supprimé. Bon, ça, c'est, on a la version complète. Moi, ouais, je passe ça effectivement à la conférence et je pose la question. Est-ce que c'est un film documentaire pour vous? Est-ce que c'est autre chose? C'est, voilà, c'est un peu sur la, moi, je suis très blagueur, donc c'est pour ça que je pose des questions un peu comme ça, difficiles. Vous, vous en pensez quoi? Ils n'osent plus avec toi. Ouais, mais... Je vous coince, là. Hein. C'est pas un documentaire. Oui. Merci, Yann. Effectivement, on peut dire aujourd'hui, que ce n'est pas un documentaire, que c'est un film de fiction. Qui utilise une technique, c'est même un film d'animation, qui utilise une technique qui est la pixelation, hein, qui est l'animation d'être vivant, hein, image par image. On est d'accord? C'est assez objectif, hein, c'est peu contestable. Ben, il faut savoir que ce film-là a obtenu l'Oscar du meilleur documentaire en 1952-53. Si on prend sous un autre angle, sur le fond, oui. Même sur la montée de la violence, mais c'est, oui. Et sur les, on est entre ces deux voisins, sur l'escalade, ah, oui. On est sur une approche documentaire. Oui, oui. D'où l'image que je vous montre, justement, où on a les deux journaux, puisque c'est un film fait après-guerre, justement, oui, voilà, la guerre froide. Parce qu'il y a, au début, ça commence, c'est la guerre si on n'a pas la paix, et la paix si on n'a pas la guerre. Oui, voilà, c'est effectivement, on est dans une période où le monde entier flippe, en gros, parce qu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale, il y a eu les bombes atomiques sur le Japon, il y a la guerre de Corée, la guerre froide qui s'installe. Et on se demande la bombe atomique sur laquelle va tomber la prochaine, quoi, en fait. Hein. Et donc, les gens, ils sont dans un état, on va dire, quand même, de traumatisme de la guerre, qui fait que quand ils voient ce film, ils sont bouleversés et ne voient plus la mise en scène, les acteurs grimés. Enfin, ils voient un documentaire, véritablement, sur la situation qu'ils vivent. Aujourd'hui, avec le recul, ça nous paraît bizarre. Et... L'Oscar, c'était plus un acte politique. Oui, mais on aurait pu lui donner l'Oscar du meilleur film d'animation. On lui donne l'Oscar du documentaire. C'est quand même. Il est nominé la même année aussi pour l'Oscar du meilleur film d'animation. Ouais. Il a les deux nominations. Ouais, il est dans les deux. Ouais. Je voulais juste parce que on saute du coq à l'âne, mais et puis je dois vous dire que j'ai une séance à tout à l'heure, donc je vais partir dans. Mais on va continuer. Ne vous inquiétez pas. Juste. Quand on regarde, Alexis nous a cité le film de Winsor McCay, Le naufrage du Lusitania, qui est de 1917. En faisant des recherches qui ne sont pas hyper forcées, mais la trace du premier documentaire animé sera un film d'Emile Cole de 1910, qui est La bataille d'Austerlitz, dont on n'a pas de copie aujourd'hui. Hein, elle a disparu, peut-être elle existe quelque part, mais en tous les cas, personne n'a mis la main dessus. Donc vous voyez que le documentaire animé, avec ses différentes déclinaisons, le portrait, le documentaire d'histoire, le documentaire de formation, des pédagogiques, etc., donc, existe depuis très longtemps. Et qu'aujourd'hui, effectivement, avec le changement des mentalités, on voit, et encore hier soir, on en voit régulièrement, on parlait de Jasmine, bon, Ghetto n'est pas là pour en parler, mais voilà, on a Jasmine qui est là. On a ce qui aide aussi, c'est évidemment quand... Les médias, les grands médias s'intéressent à ça. Par exemple, quand le film d'Harry Folman est sorti, Vats avec Bachir, il y a eu un éclairage extraordinaire, alors que ça fait déjà un moment que ça existe, enfin un moment qu'un certain nombre d'entre nous, comme Alexis ou d'autres et moi, on réfléchit à ça. Et d'un seul coup, les Lefort et compagnie, le mec du monde et tout ça, d'un seul coup, ils découvrent ce qu'ils appellent le documentaire d'animation. C'est assez extraordinaire, mais tout ça parce que c'est passé à Cannes en ouverture, je ne sais pas quoi. Donc voilà, d'un seul coup, ça devient important. Mais bon, ceux qui pensent vraiment et qui réfléchissent vraiment à ce qu'ils voient, à ce qu'ils font, on sait très bien qu'avant Valse avec Bachir, il y avait un documentaire animé qui existait. Est-ce que, et je te laisse partir après ça, promis, est-ce que par rapport à Valse avec Bachir, il n'y a pas aussi finalement, comme tu dis, le reste du monde du cinéma s'empare de ça. Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu de non-réflexion de la part du monde de l'animation avant ça, pour aussi parler du documentaire animé, pour parler de genre dans l'animation, et pour être un peu plus. On parlera ensemble samedi, donc de animation genre, ce que j'ai appelé image par une technique. Et quand on travaille sur le genre dans l'animation, on se rend compte que c'est très difficile des fois de trouver. Il y a des films d'horreur, des films de science-fiction, il y en a quelques-uns, mais il y a peu de réflexion, je trouve, dans le monde de l'animation sur l'idée de genre. Oui, parce que d'abord, depuis longtemps, y compris clairement, même si on a changé depuis cette année, on disait, vous pouvez par exemple inscrire vos films, hein, que vous ayez fait de la fiction, du documentaire, de l'animation, de l'expérimental. Donc il y a cherché un truc quoi, quand même. Hein, c'est animation, c'est une technique, et les autres, c'est des genres. Hein, la fiction, on va dire, c'est un grand genre, après il y a des sous-genres, évidemment. Mais voilà. Et donc on mélange déjà sémantiquement les choses, et c'est pas bon. C'est pour ça que depuis cette année, dans le catalogue de Clermont, on dit plus animation. On dit fiction animée ou documentaire animé ou animation expérimentale, ça peut exister aussi. Voilà, ça me paraît plus juste. Hein, le langage est hyper important en fait. Hein, sinon, on peut raconter n'importe quoi. Merci. On va laisser partir Antoine. Juste, ouais, Juste. ouais. Il faut ton montage est très longtemps que ça existe. Donc, ce qu'on fait maintenant, On l'a dit en début faire, de. On l'a en début de. On l'a dit en début, en effet. C'est pas grave. Mais Non, non, c'est juste pour. Parce qu'il faut quand même laisser partir non, Antoine. non, mais moi, Je 2 minutes, vous mais. réponds d'accord. Oui, non, non, mais allez-y, continuez votre propos. Moi, je veux dire, les photos montage, ça fait longtemps, ça existe, donc on pouvait mettre des gens côte à côte et tout. Il y avait aussi des caricatures faites avec des photos Oui. montage. Mais disons que le photomontage a été. La retouche photo, c'était la retouche Oui, voilà. La retouche photo était plus dans l'idée de tromper son monde, en fait. C'était de donner. Le photomontage aussi, mais. Enfin, je ne suis pas un grand spécialiste non plus du photomontage, mais j'ai l'impression que le photomontage s'assumait en tant que tel et le disait. C'est-à-dire que quand on voyait le photomontage, c'était donné. Enfin, pas toujours, mais c'est un peu le sentiment que j'ai comme ça, à brûle-pourpoint. Alors que la retouche ou le trucage, c'était fait normalement pour pas être vu, hein, que c'était du photomontage où il y avait des. Mais effectivement, ça existe le photomontage, donc le trucage de la photo. Mais sauf qu'aujourd'hui, avant c'était quand même quelques spécialistes qui pouvaient très bien le faire. Autrement, ça se voyait tout de suite, ça se voyait comme un nez au milieu de la figure. Aujourd'hui, avec les logiciels, on arrive à tripoter les images. Et la rendre réaliste, il y a des images qu'on voit, on se dit, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Même des trucs. Il y a un truc qui a été sur le net où on voit, il y a un oiseau, une sorte de vautour qui vient et qui prend un chien, je crois, ou un bébé. Vous n'avez jamais pas vu ça sur le net? C'est un truc aux États-Unis, donc il y en a qui batifolent dans l'herbe, dans le gazon, comme ça, et puis il y a une espèce de rapace qui arrive et qui prend le bébé et qui s'envole avec. Et on s'aperçoit. Alors tout le monde dit, oh, c'est complètement fou tout ça. Et puis, quelques temps après, on s'aperçoit que c'était les étudiants de, je sais pas, de la CalArts ou de quelque chose comme ça, en fait, d'une école américaine, qui avaient bidouillé le truc, et ça marchait du feu de Dieu. C'était, voilà. Donc, on peut. Allez-y. Oui, je pense qu'autrefois, en fait, les photomontages et ce genre de choses restaient dans la cuisine des gens qui le faisaient, et le grand public peut-être avait moins conscience, alors qu'aujourd'hui, quand on voit justement des choses comme ça sur le net, et puis même les making-of des documentaires, on se rend compte que dans un documentaire animalier, aujourd'hui, il n'y a quasiment que du bidouillage. On va filmer une chauve-souris sur fond bleu, on va la mettre sur un paysage. Enfin, il n'y a plus rien de vrai en réalité. Donc, et c'est su par tous les gens qui voient le making-of. Donc, Oui, je pense que ça se oui. démocratise. Il y a une démocratisation des savoirs, oui, et donc des moyens, ce qui fait que ça bouleverse quand même beaucoup de choses, hein, c'est sûr. Hein. On n'a pas parlé du documentaire animalier, mais c'est Dans ma conférence, je cite un producteur qui dit qu'effectivement, c'est complètement bidouillé, quoi. En plus, on anthropomorphise à mort les animaux. C'est... Oui, plus avec les commentaires, effectivement, ouais. Qui tirent les images. Mais y a, par ailleurs, il y a quand même... Enfin, moi, j'ai essayé de monter un court-métrage qui avait un aspect documentaire, mais je me suis heurtée quand même au niveau des financiers, du CNC et tout ça. Ah, on n'a pas abordé le sujet, mais il y a quelqu'un de CNC dans la salle, je ne le donnerai pas. Vous pourrez vous sauter dessus, l'agripper, et qu'il fasse le chèque avant qu'il sorte. En fait, facilement, tout de suite, on nous dit, mais pourquoi vous n'avez pas fait ça en live? Pourquoi vous ne faites pas ça en live? Et c'est presque un reproche, en fait. Oui, mais nul n'est parfait, et notamment au CNC. Il y a quelqu'un qui... Olivier Catrin, producteur. Non, il y a d'abord... Oui. Ouais. C'est moi. Oui, c'est vous. Alors, justement, en fait, après, moi, je suis ravi qu'Antoine reste, mais je vais partir, parce que, en fait, l'idée, c'était de donner la parole à d'autres personnes. Je n'ai pas resté tout seul là, donc je pourrais peut-être demander à Olivier de remplacer Antoine, comme ça, il y a quelqu'un. Après, si Antoine veut rester et louper sa séance, mais c'est important. Non, il vous a coupé, comme d'habitude, en plein chemin. Vous finissez votre pensée aussi. C'est parce qu'on a d'autres personnes qui ont parlé de ça. Je veux dire, allez. Le truc, c'est que vous vouliez qu'on parle un peu des personnages, des gens qui sont représentés dans les documentaires animés, c'est ça? Que ce soit dans l'animation ou dans le live, oui. Que ce soit dans le documentaire ou dans le reportage ou dans le film institutionnel, on va filmer la personne qui va rentrer dans sa chambre, fermer la porte et aller se coucher, par exemple. Oui. Ça arrive plein de fois. La personne sait qu'elle est filmée et donc il y a mise en scène de la part du protagoniste aussi, et de toute façon... que le réalisateur aille le voir ou non pour dire voilà ce que j'ai envie de faire, voilà ce que j'ai envie de mettre en scène. De toute façon, la différence entre l'acting et le documentaire, à part l'ambition de l'auteur documentaire, quoi, il y a aussi une distance que tu peux... Je peux vous couper maintenant? Mais moi, je peux le faire. Je parle vraiment plus longtemps que lui. Hein. Mais c'est une question évidemment très intéressante. Je donnerai un exemple. Je ne sais pas si vous avez vu The Sun and the Moon, An Imaginated Conversation, je crois que le titre est long. C'est de John Kellmaker, c'est un film américain, et il parle de lui et de son père. Donc il retrace toute la vie qu'il a eue avec son père, sa mère, son frangin. Et je donne un exemple justement sur cette question précise que vous avez soulevée, c'est savoir effectivement quelqu'un qui rentre dans sa chambre, tout ça, bon, dans un commentaire c'est mis en scène parce qu'un coup la caméra est dans le couloir, on va dire, après on le voit rentrer, ça veut dire qu'ils ont posé la caméra dans la chambre pour le voir rentrer. Bon. Donc on voit bien qu'il y a une mise en scène du réel. Justement, il y a un plan dans ce film de John Kellmaker qui justement montre que l'animation peut apporter des choses très différentes, et il décrit la visite qu'il a faite à son père qui était en tôle, avec sa mère et son frangin. Et on va dire quasiment une image, il nous raconte ça, ce que je viens de vous dire, alors que dans le documentaire réel, il nous aurait fallu, je ne sais pas, entre 5 et 6 plans. Quoi. C'est, en gros, hein, l'arrivée, on rentre dans le parloir, on voit l'autre arriver contre-champ dans le parloir, etc. Donc c'est vraiment... l'animation de ce côté-là est vachement intéressante, parce que après l'animation... je veux dire que les documentaires animés ne sont pas pour autant des chefs-d'œuvre. Il ne faut pas oublier ça aussi. Hein. C'est pas parce qu'on fait un documentaire animé qu'automatiquement on va faire un film extraordinaire. Simplement, ce que je dis, c'est que le documentaire peut se satisfaire d'autres modes de représentation que la photo, et notamment le dessin. Il y avait Olivier qui voulait dire quelque chose, c'est ça? Puis après, je m'en vais. Non, voilà. C'était Alexis qui croyait que tu voulais parler. Toi. Ouais, tu coupes les gens qui parlent et ceux qui veulent rien dire, jamais tu leur donnes la parole. Jamais quelqu'un qui est le meilleur conférencier que vous, parce que voilà, il va... Bon, je vous remercie. Merci beaucoup, Antoine. Merci. Je vais juste demander donc à Olivier s'il veut bien, pour que je ne sois pas tout seul derrière la table, ce qui est quand même plus agréable. Antoine, j'ai un petit problème technique, c'est que je vais récupérer un ami, et que quand je suis ici, en fait ça, j'ai pas de réseau. D'accord. Ok, donc deuxième, il y a des matinées comme ça qui sont comme ça. L'invité juste après, donc Amélie Arrault pour Mme Zocchi de Montparnasse est perdu. Ah non, on va la retrouver, donc voilà. C'est pas que c'est. Je veux bien répondre à une question. Mais on va la trouver, vous inquiétez pas. Pas toute une matinée quand même, faut pas non plus exagérer, on peut pas avoir que des problèmes. Et quand je suis là, elle ne peut pas me joindre. Donc c'est terrible. Voilà. Antoine est très fort pour ça, c'est-à-dire qu'il a évacué deux, trois de mes questions. Alors je vais essayer avec toi de nouveau, parce que c'est pas moi le conférencier. Donc voilà, c'est. Est-ce que tu veux que je réponde aux questions auxquelles Antoine n'a pas répondu? N'a pas répondu, et voir si est-ce que c'est moi qui dis n'importe quoi. Est-ce que le fait quand même que la virtualité prenne autant de place dans nos mondes, changeant le réel, finalement, forcément, on va de nouveau vers le dessin. C'est-à-dire, est-ce que justement c'est cette boucle-là qui joue, ou pour toi pas du tout? Je pense que ça joue d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on est prêt à accepter un point de vue documentaire sans avoir une image réelle en face. De ce point de vue-là, oui. En plus, on est habitué à avoir des fausses images réelles, parce que les films aujourd'hui sont truffés d'images de synthèse qui ressemblent à des images réelles. Or, on sait plus ou moins que c'est vrai ou que c'est pas vrai. Donc, à la limite, du coup, ça n'a plus tellement d'importance, la notion d'image réelle ou pas. À part peut-être dans le journal télévisé, mais le cinéma, c'est quand même autre chose. Alors justement, toi qui produis beaucoup de monde, Olivier Catrin, c'est le producteur des Trois Ours, vous allez le revoir juste après. Là, c'est le hasard, mais c'est un hasard intéressant. Juste devant, il y en a deux qui ne sont pas au courant, donc voilà, mais il y a trois jeunes femmes qui sont là, en plus elles sont l'une à côté de l'autre, elles sont en deuxième année de l'ESAT, elles font leur projet professionnel, donc voilà. Il y en a une qui s'appelle Marie, qui est sur la gauche, qui travaille sur un texte de son père, que son père a écrit quand il était tout petit, elle le réadapte en fait à aujourd'hui en se mettant en scène, pas trop en scène, ça change. On a Alice à côté qui, elle, travaille sur un film qui, elle se met en scène avec son personnage, donc comme un tournage, un peu, pas la making of Longbourn, mais voilà, un peu dans l'idée. Et Valentine, qu'on va écouter un petit peu, qui parle par rapport à elle, à son grand-père, et son rapport à son grand-père. Donc on a d'un seul coup, c'est une classe où ils sont 15, donc c'est-à-dire que déjà il y en a trois qui partent sur une... Est-ce que ça, on peut appeler ça des documentaires? Est-ce que le fait de partir sur ces bases-là sont des bases de documentaire pour toi? Ça dépend comment c'est traité, mais le documentaire, c'est un point de vue a priori sur des faits réels ou des personnages, mais c'est un point de vue subjectif. Alors ça dépend des documentaires. Ils se présentent parfois comme objectifs, parfois ils assument une subjectivité. Voilà, donc pour moi, la limite entre fiction et documentaire est ténue. Et il suffit de voir face à Bachir, justement. Souvent, on ne sait plus très bien si on est dans le domaine du documentaire ou dans le domaine de la fiction. Donc même ce genre-là n'est pas évident. Et justement, ce qu'apporte l'animation au documentaire, alors de façon parfois très judicieuse, comme dans Face avec Bachir, parfois de façon très maladroite, dans d'autres films que je ne citerai pas, c'est une subjectivisation, on va dire, d'un point de vue qui pourrait être, qui est censé être soit restitutif, soit de confrontation au réel. Hein, d'où des scènes par exemple très, très intimes dans Vassal et Bachir, de rêves, de fantasmes, de choses comme ça, qui apportent quelque chose au récit qui est raconté. Ça, c'est du documentaire enrichi par l'animation. Et c'est vrai qu'avec de l'image réelle, c'est très compliqué à faire. Ça paraît tout de suite très artificiel. Alors que dès qu'on est dans l'image animée, ça se marie davantage. Après, on pourrait citer un exemple d'un prix, un film qui a eu un grand prix ici, un court-métrage qui s'appelle Slavar, en suédois, parce que c'est un film suédois, où on est vraiment sur un truc très frontal, puisqu'on est à la restitution de témoignages de gens qui parlent. D'enfants qui parlent, qui ont des esclaves en Afrique, enfin, c'est dramatique. Et finalement, à quoi sert l'animation là-dedans? Ça sert à non pas avoir vraiment un commentaire, encore qu'il y ait un aspect flashback éventuellement qui est traité par l'animation, mais ça sert à renforcer l'émotion des personnages en quelque sorte. Peut-être qu'ils ne pouvaient pas filmer les vrais enfants, donc l'animation se justifie de ce point de vue-là. Mais tout le traitement de l'animation, c'est de renforcer l'émotion qu'ils dégagent de ces enfants en leur faisant des grands yeux qui expriment toute une douleur, créent une empathie en fait. Voilà, c'est ça. J'allais dire, par rapport aux personnages, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'idée de montrer des personnages, quelle est la différence. Est-ce que l'animation, c'est ça, va créer encore plus d'empathie? Alors que en même temps documentaire. Elle peut créer aussi une distance parce que c'est insupportable d'avoir une image réelle. C'est le cas parfois dans Bataille Bachir. Face à une image réelle qui est insupportable, qui revient à la fin du film d'ailleurs, on pourrait aussi utiliser l'animation pour créer une distance parce qu'on est trop perturbé par une image réelle, elle est trop violente pour le spectateur. Voilà. C'est juste un point de vue, c'est une façon de, effectivement, de traiter la réalité, comme l'a dit Antoine. Toutes les options sont possibles. Donc, effectivement, c'est pas forcément un plus, ça renforce. C'est un outil de plus, l'animation, pour avoir un point de vue différent sur ce qui est juste le réel. Alors, ouais, il y a une question, après j'aimerais. C'est peut-être aussi un moyen pour le metteur en scène, pour le réalisateur, d'assumer un peu plus le fait qu'il crée un point de vue très particulier. Tout à fait, à mon avis, c'est beaucoup ça. Dans ce sens-là, on parlait juste avant de l'importance du vocabulaire pour ça, c'est vrai qu'il y a, en ce sens, ça permet vraiment de démarquer, c'est une réflexion que j'ai fait plusieurs fois, de redémarquer le documentaire avec l'apport d'animation du reportage. Il y a souvent une confusion dans l'esprit du public où on mélange volontiers les deux termes. Le reportage travaille de journaliste et le documentaire travaille de metteur en scène. Mais on va voir même avec Kiki là, juste après. Moi j'étais surpris, j'avais absolument pas pensé qu'on pouvait le qualifier de documentaire animé. Alors vous jugerez par vous-même. Je pense qu'on le qualifie de documentaire animé parce que ça évoque un personnage réel et une époque effectivement qui a existé. Ça aurait pu être traité en documentaire effectivement. Et pour moi, le point de vue de la réalisatrice n'est pas du tout un point de vue documentaire. Mais en même temps, je me rends compte en disant ça, je fais une distinction un peu artificielle entre documentaire et fiction parce que justement on est. Et elle n'existe pas vraiment, c'est juste un problème de dosage. On parle des biopics. Le biopic, qui est un genre aujourd'hui très développé en long métrage, hein, des biographies romancées de personnages qui ont existé, voilà, on va dire que c'est la fiction. Mais, on verra qui est bon parnos, mais moi, il me semble qu'on est plus dans ce registre-là. Il faut étiqueter un genre à ce film. Et il se trouve qu'il utilise l'animation, mais je pense qu'on est plus effectivement dans la fiction animée avec le sous-genre biopic que le documentaire animé. Amélie restera là. Juste, je voulais demander, donc, parce qu'elle se passe pour prendre ça là, est-ce que vous, en prenant votre histoire. Je vais aller récupérer Amélie. Continuons, parce que vous aimez. Et vous, quand vous avez écrit les trois, votre base sur le réel, vous pensiez dans l'idée du documentaire ou pas du tout? C'était une évidence et puis vous n'avez pas du tout pensé forcément à Jean. Marie. Vas-y. Juste, est-ce que... Pour moi, c'était une évidence de... Enfin, je pense que je ne me suis même pas posé la question. En fait, j'ai choisi la plus le réel automatiquement. Sans vraiment me poser la question, je ne sais pas, je crois que c'est écrit. De légitimité dans l'image. Parce que travaillons plutôt sur la pixelation, sur les personnages en plus de réel, insérés, on l'a pas dit, dans des décors en carton, enfin, voilà, ce genre de choses. Donc toi, c'est important d'être un personnage plutôt réel à la base. Déjà pour le fait, vu que le film en fait parle de moi en train d'adapter un récit de mon père, déjà à la base, je voulais m'incarner. Et je voulais moi-même incarner le personnage principal du film, donc voilà, ça semblait évident que je m'intègre directement dans l'animation. Alice, toi, tu es aussi, en fait, on te voit dialoguer avec ton personnage principal, pareil, ce que toi tu t'es dit. Moi, c'était surtout, j'avais envie d'écrire des dialogues, j'avais beaucoup envie de faire de lip-sync pour mon film, donc c'était juste une évidence que j'apparaisse à l'écran et qu'il y ait donc la prise de vue réelle en plus de ma Marina Kiba. Mais je suis pas. Enfin, j'avais envie de jouer aussi sur. En fait, j'avais envie de me faire apparaître pour un peu prouver que la Marina était réelle, vu qu'il y a la prise de vue réelle. Donc. Et en fait, j'avais aussi envie de jouer avec les raccords au moment, le truc comme ça entre la Marina et moi. Donc toutes les deux. c'est plutôt l'idée de prendre la prise de vue réelle pour justifier finalement la réalité. Donc on est un petit peu dans, presque dans l'inverse, dans tout ce qui est notre débat aujourd'hui. Je suis désolé qu'Anna Guetteux ne soit pas là pour nous parler de son film, Jasmine, comment lui a travaillé. Mais donc dans cette réflexion, toi par contre, Valentine, c'est un tout petit peu différent, puisqu'en fait tu prends la prise de vue réelle, l'animation, alors là en dessin, pour représenter cette réalité. C'était pas forcément prévenu en avance, donc c'est un peu difficile. Oui, mais il y a la prise de vue réelle aussi, pas justifier, mais pour appuyer cette réalité que je mets dans l'animation. Justement, là, je me pose beaucoup de questions, par exemple. Je vais poser ma question tout à l'heure, mais il parlait de le documentaire apporté par le son. Et ce qu'il y a, c'est qu'en fait, moi, j'apporte plus le documentaire par l'image, par mes ressentis et par mes sentiments. Ça vient beaucoup de moi, c'est très interprété. Et ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il y a cette partie documentaire qui est plutôt apportée par l'image, par les actions, par ce qui s'est passé, ce que j'ai pu vivre, que je retransmets un peu avec l'image, mais les paroles seront faites un peu plus d'une manière fictive, si on peut dire, puisque ce sera des acteurs qui reprendront les paroles. Donc, j'apporte plus la réalité avec l'animation, alors que. Non, mais on aborde la question parce que l'idée. Vas-y, oui. Par contre, bien qu'on se mette tous les trois à l'image dans notre film, mais moi, c'est vraiment pas un documentaire animé parce que je faisais pas parce que je me mets en scène à l'écran que le documentaire, même si je suis un effort de réalisme. Est-ce que, passer le micro juste, merci, allez, Valentine, juste, est-ce que y a une réalisatrice sur laquelle Valentine a travaillé, qui est Nomi Kawase, qui, elle, mélange, je ne sais pas si vous connaissez Nomi Kawase, qui est une réalisatrice japonaise, qui a eu le Grand Prix de la réalisation pour La Forêt de Nogari, qui fait aussi du documentaire, est-ce que ça c'est quelque chose que toi, dans tes recherches, tu as vu dans la prise de vue réelle, c'est-à-dire ce mélange de réalisateurs de fiction qui passent au documentaire? C'est une question que j'aurais adoré poser à Anna Guetteux, parce qu'il fait du documentaire à la base en prise de vue réelle. Donc il passe des deux avec une réflexion sur les outils du documentaire qu'on met dans la fiction et dans la fiction dans le documentaire. Donc on efface un peu la limite entre les deux. Est-ce que toi, par exemple, par rapport à ton film, le fait d'utiliser des acteurs pour faire les dialogues mais, et de la prise de vue réelle pour quand même avoir des personnes âgées, par exemple, dans le film, il y a cette volonté de supprimer la frontière entre les deux? Je pense que c'est assez inconscient, en tout cas. Enfin, chez moi, même si j'ai beaucoup réfléchi, mais en partant de travail de Naomi Kawase ou d'autres films, mais moi, dans mon procédé de création, c'est plus une mixité. Et, je ne sais pas trop ce que je veux dire. C'est vrai que moi je ne la sens pas du tout cette frontière, on peut pas mettre le doigt dessus tellement elle est floue. Je pense qu'on ne peut pas vraiment non plus jouer avec très clairement. Moi je le fais un peu inconsciemment puisqu'elle n'est pas vraiment marquée. Je l'interprète comme je peux et je joue un peu entre les deux, c'est vrai, mais je ne sais pas trop comment. Je vais faire une chose que je ne fais pas d'habitude, mais je vais prendre un peu plus la parole en tant que peut-être conférencier que juste animateur. Ce qui me paraît intéressant, ce qui me paraît important, ce qu'on va tenter de faire aussi samedi, puisque donc, vous avez compris que c'était malheureusement pas mal d'improvisation ce matin. Ce qui me paraît important, c'est la réflexion autour du genre. C'est intéressant parce qu'on a Isu 3, par exemple, dans la salle, qui a fait Ceux d'en haut, qui est un film d'horreur en animation. Un film voilà, fantastique. C'est intéressant, c'est que je pense qu'on est de plus en plus dans justement la frontière, on est en train de supprimer petit à petit les frontières entre finalement prise de vue réelle, entre prise de vue continue, comme dit Antoine, et animation, hein, et image par image. On, les deux se mélangent. On va y réfléchir samedi avec justement Antoine Lopez, notamment Marco de Blois qu'on a déjà eu. C'est, est-ce que finalement l'animation n'est pas un genre? Est-ce que finalement on n'a pas bloqué l'animation dans quelque chose qui n'existe pas? Et la plupart des films box-office aujourd'hui, les 10, hein, les premiers box-office sont des films qui finalement utilisent énormément de d'effets spéciaux. Donc est-ce que ça, c'est pas les films d'animation? Est-ce qu'Avatar, en effet, n'est pas avant tout un film d'animation? Même quand on utilise la prise de vue réelle, je vous rappelle juste, vous êtes quasiment tous au courant, mais l'animation, c'est animaré, hein, c'est l'idée de donner vie à des choses qui n'ont pas de vie normalement, donc c'est vraiment créer la vie. Donc est-ce que, par exemple, pour nous, en effet, c'est image par image, les noms anglo-saxons, Dark Crystal n'est pas un film d'animation, hein, les marionnettes qu'on bouge comme ça ne sont pas un film, sont pas d'animation. Et donc, qu'est-ce que le documentaire, en fait, aujourd'hui? C'était un peu la question que je voulais poser, et cette limite de frontière, finalement, encore une fois, entre les deux, et le fait d'avoir plein de personnes dans la salle, notamment de réalisateurs qui travaillent aussi sur des choses qui peuvent être très personnelles et qui ne pensent pas forcément faire du documentaire. Et peut-être, je ne sais pas, tiens Sarah, tu peux peut-être réagir. Je te fais réagir, juste derrière. Non, je ne sais pas, est-ce que toi qui as fait plus de films, on va dire, il y a l'idée, pas vraiment de conscience, de se dire, allez, je fais un film qui est ou documentaire, ou basé sur ma vie, ou pas basé sur ma vie, mais... Encore une fois, on ne réfléchit pas au genre tellement dans l'animation. Est-ce que tu réfléchis quand tu fais un de tes films à, je sais pas, un film de genre? Jusqu'à mon dernier projet, là, je ne réfléchissais pas tant que ça, en fait. Pardon, Sarah Mondello, c'est, excuse-moi, Novecento et la femme squelette qui ont été les deux en sélection au Festival d'Annecy. Donc pour Novecento et la femme squelette, ça ne se posait pas, c'était de la fiction, et puis ça répondait à une envie de film, voilà. Pour mon dernier, là, je suis partie vraiment sur une base documentaire, dans le sens où j'ai commencé par interviewer des gens et utiliser leur voix, enfin retranscrire leur voix pour en faire quelque chose. Donc au départ, je pensais vraiment faire un documentaire, et puis je me suis beaucoup heurtée justement à cette réflexion, mais pourquoi tu fais pas ça en live? Et puis alors j'entrelardais leur témoignage par des images plus oniriques, enfin qui illustrait ce qu'ils pouvaient vouloir dire, mais de façon plus onirique. Et en fait, ça, je me suis rendu compte que ça passait pas très bien, et au point de vue des gens, des jurys qui pouvaient lire mon dossier, parce que cette dualité justement entre quelque chose d'un peu imaginaire et puis un témoignage plus cru, les gens n'arrivaient pas bien à se placer par rapport à ça. Et en fait, en avançant dans le projet, je me suis rendu compte que non seulement il allait falloir faire du montage dans les voix des gens, peut-être même les refaire dire par des acteurs, ajouter à ça des images animées, enfin voilà. Et j'ai été vraiment confrontée à un problème de conscience, parce que ce que les vrais gens m'avaient livré, c'était quelque chose d'assez intime, et je me rendais compte que plus ça allait, et plus j'étais en train de déformer ce qu'ils me disaient. Enfin, même si ça restait fidèle à leur témoignage, c'était déformé, c'était tordu. Et je ne suis pas, en fait, je me suis pas sentie à la hauteur. Et du coup, j'ai tiré mon projet vers de la fiction complètement pour me libérer de ce problème de conscience-là, en fait. Et je trouve ça très intéressant, et je n'exclus pas le fait de m'y reconfronter dans le futur, mais je trouve que c'est très difficile. Non, c'est intéressant, parce que c'est un projet qu'on ne connaît pas, qui vient, que tu as depuis un bout de temps. Et, est-ce que quelqu'un, je sais pas, une réflexion, peut-être pas forcément une question, comme on a un petit peu improvisé. Oui. Il y a un film qui avait été fait par une personne iranienne avant un documentaire, je crois que c'est sur l'Iran. Persepolis ? Oui. Alors, Persepolis, en fait, alors là, on partirait, ce serait intéressant, en effet, d'avoir. Est-ce que c'est un documentaire? C'est quelqu'un qui parle de sa propre vie, en effet. Hein. Donc, c'est un documentaire, c'est une biographie. Le documentaire, c'est un livre écrit, mis en image. Au début, documenté. On peut passer le micro. Documentaire, c'est vraiment une idée documentée. Là-bas, c'est vraiment de la propagande, l'idée de documentaire quand vous lisez. Encore une fois, le très bon livre, enfin le livre très intéressant de François Ninet, même s'il ne parle pas d'animation, c'est documenter, c'est l'idée de propagande. C'est-à-dire que souvent pour des religions, et on documente, il passait dans un peu partout, dans les maisons, etc., pour documenter, pour dire, ben voilà, il faut que la voix de la religion, de telle ou telle chose. Donc c'était vraiment cette idée de documenter. Donc en effet, est-ce qu'on documente sur sa vie? Je me demande s'il ne faut pas faire une distinction entre le documentaire et le témoignage. Parce que en plus pour nous qui ne sommes pas de ces cultures-là, ça a vraiment une valeur de documentaire, mais c'est totalement subjectif puisque c'est raconté par une seule personne et c'est sa propre vie. Et voilà, donc nous demandons. Non mais c'est intéressant parce que par exemple, après Persepolis, les médias avaient, en fait faisaient Marjane Satrapi de la femme iranienne. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on lui demandait dans les interviews, on lui posait la question, on disait « Mais qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en Iran ? Comment vit la femme iranienne en Iran ?» Et d'un seul coup, c'était devenu « la femme iranienne ». Et elle répondait très bien en disant « Mais je suis juste une femme qui a certes vécu en plus à un moment donné en Iran, mais qui est partie depuis très longtemps, qui est presque plus occidentale maintenant que réellement iranienne, et je ne peux pas prendre la parole pour tout le monde. » Donc cette subjectivité, là par contre... je ne sais pas, mais en tout cas, par rapport à Marjane Satrapi, elle le prenait vraiment en compte. Et je pense qu'en effet, le documentaire animé aujourd'hui sort beaucoup sur des effets de médias, comme le disait tout à l'heure Antoine Valsaïk Bachir, quand d'un seul coup on a parlé de documentaire animé, c'était devenu une. Pour ceux qui étaient là, on parlait il y a deux jours maintenant de critiques dans le cinéma d'animation. Pourquoi il y a peu de critiques? Et on parlait de suivisme en disant qu'il y avait beaucoup de gens qui, d'un seul coup, un terme était utilisé. Et, tout le monde l'utilisait, et c'est ce qui s'est passé pour Valsaïk Bachir, c'est-à-dire qu'on a parlé d'un seul coup de documentaire animé, et tout le monde s'est lancé finalement dans cette faille de termes qui étaient documentaire animé, mais un petit peu factice, quelque part. Et c'est une bonne question, est-ce que Aya, par exemple, nous on ne saura jamais, je répète souvent la même question, la même anecdote, certains d'entre vous connaissent le film Journal de Sébastien Odenbach, qui est un film dont on dit beaucoup, c'est un documentaire animé, et il raconte sa vie. Voilà, c'est un journal. Sébastien raconte, Odenbach raconte sa vie. Et je me rappelle une fois avoir dit à Sébastien, lui avoir dit, mais il s'est quand même passé ça dans ta vie. Et j'étais impressionné, parce qu'en plus, c'est sa propre voix qui raconte. Je dis, t'as vécu ça. Et il me regarde, il me dit, mais comment tu sais que c'est vrai? Et je lui dis, mais tu le dis dans ton film? Et il me dit, mais j'ai peut-être tout inventé. C'est pas parce que c'est ma voix, c'est pas parce que je le montre que c'est forcément vrai. Peut-être qu'il n'y a rien de vrai, au contraire. Et je recrée mon histoire. Et ça pose beaucoup de questions, évidemment. Tu voulais peut-être... Non, tu voulais pas continuer à réagir. C'est valable pour les livres aussi, mais je ne sais plus. C'est pardon ? Je dis c'est valable pour les livres aussi. Oui, bien sûr. Parce que là, on est sur l'animation, mais bien sûr, c'est tout à fait valable pour les livres. Oui. Ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai la sensation que le documentaire, ça doit être tourné vers l'extérieur. Donc, bien sûr, ça passe par le filtre du réalisateur, mais c'est un sujet qui ne concerne pas, en tout cas, sentimentalement. Et que le témoignage, par contre, ça peut être autobiographique, voilà, l'histoire de mon grand-père, mon histoire. Mais il y a quand même, je pense qu'il y a quand même une différence. Que le documentaire, pour moi, ça doit être un travail peu journalistique, quoi, une enquête. Voilà. Un sujet qui est externe à la personne qui le fait. Il y avait une autre réaction. Si on peut passer le bruit. Juste le micro derrière. Merci. Merci. On parle beaucoup de témoignages. Chaque film est un témoignage sur une histoire récente ou une archive par rapport à aujourd'hui. On a parlé d'Avatar, c'est un point de vue aussi sur ce qui se passe sur Terre, sur la nature, sur l'humanité. Pourtant, c'est un film documentaire. Je pense que le film documentaire, c'est se poser la question sur la distanciation et la subjectivité par rapport à la réalité. Je pense que c'est la base. Même s'il y a une fiction derrière, même si c'est un point de vue sur un portrait ou sur une vie, je pense que le point de vue de l'auteur de prendre une distance ou non par rapport au sujet, je pense que c'est ça le documentaire. Encore une fois, l'idée était de rester le plus ouvert possible. Je pense pas, évidemment, tout le monde y réfléchit depuis très longtemps, donc on ne peut pas réfléchir sur le documentaire en juste... Une heure et quart, c'était très prétentieux de penser ça. Moi, derrière ça, en effet, c'était cette idée de vraiment réfléchir sur des notions, finalement, de genre, qui... est-ce que c'est vraiment... Est-ce que le documentaire est vraiment un genre? Il faudrait vraiment y repenser. Et qu'est-ce que le documentaire aujourd'hui? On parlait par rapport au reportage, par rapport à... Et d'un seul coup, chacun... On se rend compte aussi de la subjectivité, chacun d'entre nous, de qu'est-ce qu'on met, finalement, dans un documentaire, dans le mot reportage. Et finalement, il est très difficile, je pense, de se baser... pour moi, c'est assez artificiel, voilà. Prendre dire que d'un seul coup, quelque chose est un documentaire, comme je disais tout à l'heure, si on voit... si on filme et on voit des disques durs comme ça, on peut... Les sociologues prennent les films, prennent Nanouk, sont intéressés par Nanouk pour certaines choses, peuvent se tromper, évidemment, comme Antoine le disait. Et finalement, tout film va parler, ou en tout cas beaucoup de films vont parler finalement de leur de ce qui se passe au moment où en fait où le film se tourne. Et même souvent vous avez des gens qui veulent parler de leur actualité, du quotidien qu'ils vivent, et qui peuvent utiliser même les événements passés pour en parler justement. Et je pense qu'on parle beaucoup de gens parlent, en fait on parle souvent du présent, même si on utilise le passé, et que ça aussi c'est documenter finalement les gens sur un moment donné de l'existence. Donc c'est vrai que c'est, je recite juste pour ces balades, voilà, cette phrase de Fritz Lang qui disait, mais de toute façon dès que vous faites un film sur votre présent, vous documentez, vous faites forcément une base documentaire, même si vous faites une fiction. Fritz Lang, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est M. Le Maudit, Métropolis, et ce genre de film, donc quelqu'un qui est l'un des grands maîtres de la fiction. On va peut-être s'arrêter là. Je suis désolé, c'est il y a une semaine, c'est la conférence qui a été un petit peu plus improvisée, on va dire, que d'habitude. Mais bon, voilà, on a essayé quand même d'avancer un tout petit peu. J'espère que ces rencontres se veulent avant tout comme des bases de réflexion pour continuer. Cette idée-là. J'ai